L'instruction supramentale provient du plan éthérique d'abord. Elle n'est pas le fruit de la réalité sur le plan physique, qui est la densification de l'énergie, qui est le volet manifeste de l'énergie à travers la densification, l'aspect physique. Non, l'instruction supramentale préexistait, dans le fond, avant la réalité physique et au-delà de la réalité physique. Et aussi, cette réalité existe par-delà le plan astral. Et pour pouvoir y accéder, il faut que l'individu ait accès à un état de conscience plus vibrant que qu'est-ce qu'il peut capter à travers les sens physiques, puis qu'est-ce qu'il peut le capter aussi lorsqu'il est en relation avec le plan astral. Et par rapport à l'instruction supramentale, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont l'attribuer à Bernard de Montréal. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que Bernard de Montréal a été un canal extrêmement précis de l'instruction supramentale. Ça a été un individu qui a été au Québec un initiateur de cette diffusion au public. Oui, un mandat à ce niveau-là. Mais le point, c'est que la réalité éthérique existait avant que Bernard de Montréal existe. Donc, autrement dit, l'instruction supramentale, eh bien, c'est une instruction de nature universelle qui existe au-delà de Bernard de Montréal. Donc, le rôle de Bernard de Montréal, parce que à chaque fois qu'il y a question de conscience supramentale, eh bien, souvent les gens vont ramener ça aux propos qu'a tenu Bernard de Montréal. Bon, c'est sûr que Bernard de Montréal a été un individu qui a initié cette diffusion-là, entre autres au Québec. Puis là, grâce à Internet, où ses enregistrements sont présents, bien, c'est diffusé un peu partout dans le monde. Donc, ça a une portée internationale. Mais fondamentalement, que Bernard de Montréal ait existé ou non, l'instruction supramentale et la réalité du plan éthérique qui la sous-tend existaient. Déjà avant lui, existe pendant qu'il a existé sur Terre, puis existe après lui. Donc, il faut réaliser qu'à quelque part, l'instruction supramentale est indépendante de Bernard de Montréal. Et c'est sûr que si un individu, par exemple, se branche au plan éthérique, eh bien, il peut véhiculer par la suite une instruction supramentale qui peut être en complémentarité avec ce que dit Bernard de Montréal. Mais le point, c'est que si la personne se branche au plan éthérique, et se fait le vecteur de l'expression de son esprit, c'est une réalité vibratoire qui va manifester à travers sa parole. Et il ne faut pas penser que parce que quelqu'un parle de conscience supramentale, que cette personne-là vise à copier ce que dit Bernard de Montréal. Par contre, le point, c'est que si la personne véhicule une vibration en relation avec un niveau de réalité vibratoire similaire à celui auquel Bernard de Montréal était branché, eh bien, c'est sûr que les propos qu'il va tenir vont être en continuité parce que c'est le même plan de la réalité auquel il va être branché psychiquement. Donc, c'est sûr que si la personne n'est pas branchée sur le plan astral, la personne est branchée sur le plan mental, eh bien, il y a des choses qui vont revenir. Tu sais, si, par exemple, le principe de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, c'est des principes de nature universelle que l'individu qui se conscientise à intégrer, eh bien, c'est vrai, c'est réel pour plusieurs personnes. Le point, c'est que il faut réaliser qu'à quelque part, souvent, il y a des éléments, en fait, qui ont été rattachés à Bernard de Montréal. Et puis là, si quelqu'un reparle d'éléments en relation avec l'instruction supramentale, c'est toujours mis en comparaison avec ce que dit Bernard de Montréal ou c'est interprété comme étant une forme de copie du matériel de Bernard de Montréal. Mais en réalité, si la personne est mise en vibration psychiquement avec la même énergie qu'a canalisé Bernard de Montréal, eh bien, c'est normal que l'essence de l'instruction étant universelle soit la même qui va être véhiculée par sa parole. Non pas dans une optique de copier ce que dit Bernard, mais tout simplement dans l'optique de se brancher à la réalité éthérique qui était derrière le propos qu'a connu Bernard de Montréal. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, il y a des initiés qui sont des individus qui goûtent à une conscience nouvelle. Donc, initiés sur le plan individuel dans le sens qu'ils sont mis dans une situation où ils ont intégré une conscience nouvelle et que ces gens-là aient connu ou non Bernard de Montréal, eh bien, la vibration qu'ils les initient c'est-à-dire qu'ils altèrent leur psyché, ils les amènent à connaître des changements dans leur existence, ben comme c'est une vibration de niveau éthérique, c'est sûr que ça va amener ces gens-là à véhiculer quelque chose de similaire. Et là, à quelque part, il faut que les gens réalisent que, à quelque part, ce qu'a fait Bernard, c'est un grand travail parce qu'il a initié le mouvement. Mais le travail n'est pas fini. Il y a d'autres individus qui viennent présentement, puis il y en aura d'autres aussi dans le futur, qui auront à faire un travail en complémentarité avec celui de Bernard de Montréal. Et la nature du travail vibratoire qui est véhiculé par la parole, eh bien, c'est décidé au niveau de l'esprit avant de l'incarnation, dans le sens que, quelque part, il y a des gens qui sont marqués pour véhiculer une parole. Et c'est ainsi que la personne, par exemple, est connue ou non Bernard de Montréal dans son existence, qui a écouté ou non des enregistrements, si la personne est mise réellement en vibration par le plan éthérique, ça va se sentir. Il y a des gens dans la société qui n'ont jamais écouté d'enregistrement en lien avec la conscience, puis ont un taux vibratoire différent. Il y en a qui en ont écouté des dizaines, voire des centaines d'enregistrements, mais comme ils n'ont pas nécessairement la capacité d'absorption puis d'intégrer la vibration qui les sous-entend, puis ils écoutent ça par curiosité, ben ça paraît qu'à quelque part, ils ne l'ont pas intégré. Puis aussi, le fait d'avoir fait ou non un séminaire ou d'assister à des conférences en lien avec la conscience ou d'avoir même rencontré des individus en consultation qui parlent de conscience, c'est pas une garantie d'être conscient. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler de conscience supramentale sur des forums, là, que ce soit sur des réseaux sociaux comme, par exemple, sur Facebook, puis sont pas vibratoires. Pantoute, mais ils utilisent le vocabulaire, les formes qu'a amené entre autres Bernard. Il y en a qui vont utiliser des formes similaires à celles de Bernard pour être vibratoires. Puis il y en a d'autres aussi qui ne parleront pas de conscience supramentale, ne connaîtront pas les formes qui ont été amenées en relation avec elles par Bernard de Montréal, mais qui vont être très vibrants. Ce qu'on peut appeler, dans certains cas, des diamants à l'état brut. Le vocabulaire, les formes, c'est pas nécessaire, mais ce qui compte, c'est la vibration, puis la vibration est déterminée quoi? Bien, est déterminée par la pénétration de l'esprit dans la psyché de l'individu fondamentalement. Donc, ça, c'est un élément important. Et c'est sûr que l'universalité de la conscience supramentale qui se développe fait que les individus qui se conscientisent, eh bien, vont arriver au même constat. C'est-à-dire que des constats universels parce que la conscience supramentale est en relation avec des lois d'énergie. Comme par exemple, la pensée vient d'ailleurs, est une loi, au même titre que par exemple sur le plan physique, l'eau va geler à 0 degré Celsius. C'est une convention, bien sûr, qu'on dit que l'eau gèle à 0 degré Celsius et qu'elle va bouillir à 100 degrés Celsius. Par contre, il y a une réalité qui fait en dessous d'un certain seuil, l'eau gèle, puis au-dessus d'un certain seuil, l'eau s'évapore, elle se met à bouillir. Donc, c'est des réalités. Et il y a des lois au niveau énergétique qui complètent celles au niveau physique observables. Et c'est la multidimensionnalité de la conscience qui permet de comprendre toutes, de embrasser intégralement. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ce qui est dit en lien avec la conscience supramentale, les guerres d'ego aussi pour discréditer certains individus, il faut que la personne qui, peu importe que ça soit marqué supramental ou non sur l'enregistrement ou sur le livre, c'est de voir si ça vibre ou non, parce que c'est la meilleure façon de se démêler. Et c'est sûr que par rapport à tout ce qui est dit pour capter le réel, la réalité, qui est derrière ça, ben c'est toujours une réalité de nature énergétique, puis il faut avoir la sensibilité psychique pour l'intercepter. Et c'est sûr que si l'individu ne vit pas la fusion, il ne peut pas l'intercepter. S'il ne peut pas l'intercepter, il ne peut pas savoir ce réel. Fait que soit qu'il peut croire, ou soit qu'il peut douter, mais il ne peut pas savoir. Pour savoir, il faut avoir la sensibilité pour l'intercepter, puis il faut avoir la stabilité du corps d'énergie pour intégrer la nature du réel sans sombrer dans un état de dépression, dans un état de folie ou de déchéance psychique, parce que le savoir est difficile à assumer puis à contenir. Puis c'est pas qui veut qui peut savoir, mais c'est qui peut. Donc, c'est au-delà du vouloir de l'ego, coupé de la conscience de l'esprit, mais c'est en fonction d'une capacité. Au même titre, par exemple, c'est pas n'importe qui peut soulever des poids de 300 livres à la salle d'entraînement, au gym. Non, il faut que la personne en ait la capacité. Donc, c'est sûr que ça, la capacité, ben, c'est en lien avec une programmation, par exemple, qui peut être favorable. La programmation est déterminée par l'esprit. Fait que qui peut savoir, c'est déterminé par l'esprit. Puis qui aussi qui peut parler d'une manière vibratoire ou non, c'est déterminé par l'esprit. C'est des éléments aussi importants à comprendre. Et c'est sûr que par rapport à la nature de l'instruction supramentale, elle provient présentement du plan éthérique. C'est sûr que, par exemple, si une personne tient un propos qu'il canalise, puis ça va dans le même sens que Bernard, ben c'est sûr qu'il y a des entités du plan astral qui peuvent chercher à discréditer cet individu-là en disant « Ah, tu copies Bernard de Montréal ». Mais si l'individu, lorsqu'il parle, son intention, c'est pas de réfléchir au matériel de Bernard pour copier qu'est-ce qu'il dit, mais c'est de vibrer puis de dire ce qu'il a à dire. Ça donne que ça va dans le même sens, c'est ainsi. Mais s'il y a des nuances, c'est ainsi aussi. Donc, le point, c'est que c'est tout le temps de regarder au niveau de l'intentionnalité de l'individu, c'est quoi l'usage qu'il fait de la parole. Et c'est sûr qu'une parole vibratoire va toujours être porteuse d'une énergie de vitalité. Ça, c'est son étalon. C'est ce qui nous permet d'en faire la mesure de sa réalité énergétique. Mais encore, faut-il être capable de faire preuve de discernement? Et c'est sûr que présentement, tout ce qui est de diffusion de conscience supramentale est souvent comparé par rapport au travail qui a été fait par Bernard de Montréal. Et c'est sûr que présentement, il y a des entités astrales qui veulent s'assurer qu'il n'y ait pas de relève après Bernard de Montréal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'individus qui reprennent le flambeau pour véhiculer une instruction à la surface du globe qui va être favorable à une émancipation psychique. Puis ces entités-là, ben qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que tous les propos qui vont aller dans le même sens de qu'est-ce qui est dit par Bernard de Montréal, que ce soit autant au niveau de la forme que du contenu, vont être discrédités pour que, à quelque part, l'instruction supramentale ne soit plus vivante, mais figée dans une forme, au même titre, par exemple, de qu'est-ce qui a été amené par des initiés dans le passé, qui ont été codifiés sous forme de livres. Aujourd'hui, on évolue un petit peu plus, fait que l'information peut être codifiée sous forme d'enregistrement, en plus des livres. Sauf que ce qui va arriver, c'est qu'à quelque part, à un moment donné, il y a des formes qui vont éclater aussi. Parce que c'est pas sain que l'individu vive constamment par rapport à un passé. Qu'est-ce qu'a vécu Bouddha il y a longtemps ou Jésus, puis de vivre en fonction des instructions passées. Ça n'a pas une utilité temporaire. Même chose par rapport à ce qu'a amené Bernard de Montréal. Mais il faut que, à quelque part, la conscience qui soit amenée sur la face du globe, sans nier les apports créatifs du passé, puisse avoir cours, puis puisse amener des gens à aller plus loin en fonction de leur sensibilité, en fonction d'être capable de faire, entre autres, une lecture des enjeux contemporains. Donc, la conscience supramentale, son utilité dans la vie de tous les jours, c'est d'être capable de la canaliser pour être en mesure de faire face aux enjeux du quotidien qui peuvent nous amener à connaître de la souffrance en tant qu'ego, à vivre des émotions, de la réactivité émotionnelle. Donc, pour s'ajuster, et aussi être capable de faire une lecture des enjeux contemporains, comme par exemple Bernard de Montréal, en son temps, n'a pas parlé de la crise du coronavirus, mais c'est intelligent aujourd'hui qu'il y ait des nouveaux initiés qui puissent faire une lecture vibratoire sur la crise du coronavirus en complémentarité avec le travail qui a été fait par Bernard de Montréal. C'est intéressant aussi qu'il y ait des gens qui fassent une lecture vibratoire des enjeux liés au changement climatique, les enjeux contemporains qui n'étaient pas présents, mais aussi une lecture des enjeux individuels, puis aussi qu'il y a des gens qui servent aussi à véhiculer une vibration qui est favorable à une intégration individualisée. Donc, à quelque part, c'est important d'être capable de lire qu'est-ce qui se passe dans le présent avec une conscience nouvelle. Et c'est sûr que pour y arriver, ben il faut que l'individu puisse se brancher à la conscience éthérique, d'où origine la créativité réelle, les nouvelles formes. Et c'est pas facile d'y arriver parce que ça prend une certaine capacité à contenir cette énergie qui va bousculer les croyances, bousculer les idées établies. Et qu'est-ce qui est nouveau à une époque peut devenir ancien à une autre? Autrement dit, l'instruction de Jésus-Christ pour une époque, c'était une instruction révolutionnaire qui a amené des changements, aimez-vous les uns les autres. ça a amené une certaine dose d'évolution, mais c'est lorsque les gens se rigidifient dans des croyances en relation avec le Christ, le catholicisme, que là, les choses peuvent dégénérer. Puis là, ça peut amener l'Inquisition, ça peut amener des massacres, et ainsi de suite. Donc, chaque instruction peut permettre un bout d'évolution, mais il faut tout le temps aller plus loin puis pas figer dans les formes qui sont générées. Donc, Bernard de Montréal a amené des formes nouvelles à travers son instruction. En fait, pas son instruction, l'instruction qu'il a canalisée, devrais-je dire, nuance, parce qu'il n'en est pas la source, parce que la pensée vient d'ailleurs, mais il en était un canal très précis, puis ce qui a amené à une grande utilité, mais c'est pas fini, c'est pas le bout du bout, et ensuite, il va y avoir d'autres initiés qui vont amener d'autres choses, puis ensuite, d'autres. L'évolution, c'est infini, étant donné que la nature de l'esprit qui vit à l'intérieur de l'homme est de nature infinie, et cherche à s'infinitiser. Donc, il y aura toujours de la nouveauté qui va être apportée, puis à une époque, quelque chose peut être utile, comme l'instruction qu'a amené Jésus, mais plusieurs années plus tard, eh bien, il y a d'autres individus qui vont amener des instructions plus ajustées. Donc, c'est sûr qu'il y a eu Jésus-Christ qui a amené de l'instruction, il y a eu Bouddha, ensuite il y a Bernard de Montréal, ensuite il y en a d'autres. Puis il y a une continuité qui se fait dans le temps de gens qui amènent des éléments nouveaux. Et c'est sûr que c'est intéressant d'être ouvert par rapport à tout ça. Donc, il faut être ouvert au fait aussi que n'importe quel individu qu'ait été à l'affût ou non des écrits anciens, de qu'est-ce qui a été fait dans le passé, les formes anciennes, si la personne est mise en vibration pour véhiculer quelque chose de nouveau, elle va le faire. Donc, qu'elle ait fait ou non son séminaire, qu'elle ait été rencontrée ou non des instructeurs, si ça fait partie de son destin, ça va se faire tout naturellement. Et là, c'est sûr que les gens on va évaluer par eux-mêmes si c'est réel ou non ce qui est dit. Et d'ailleurs, j'ai mentionné souvent dans mes enregistrements par rapport à ce que je fais en termes de diffusion. Croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si c'est réel. Et moi, je pense que, en fait, c'est pas moi qui pense, la pensée vient d'ailleurs, mais ce que ça me dit, c'est la chose la plus intelligente, c'est de ramener les gens à eux-mêmes pour discerner qu'est-ce qui est réel ou non. C'est quoi l'instruction supramentale? Bien, c'est à vous de la distinguer en fonction de votre sensibilité, puis plus que vous êtes sensible, et c'est sûr que vous ne pouvez pas le décider subjectivement. Du jour au lendemain, je deviens sensible à l'instruction supramentale, ça prend la descente d'énergie de l'esprit au préalable, mais néanmoins, si ça s'effectue à l'intérieur de vous, bien, naturellement, les choses vont se placer avec clarté si vous avez ou non, par exemple, continuer à écouter des enregistrements, à faire des changements dans votre vie, et ainsi de suite. Donc, il suffit de suivre la vibration. C'est simple, là, mais c'est extrêmement difficile à faire pour plusieurs personnes parce que être capable d'aller dans le sens de la vibration, ça implique que l'ego décroche du désir de contrôle qui cherche à quelque part à le garder dans une volonté d'être en puissance. Et être capable de s'ouvrir à la vibration, c'est d'être capable que l'ego s'ouvre à quelque chose, surtout quand c'est vibratoire, ça vise à amener de la nouveauté, qu'il sort de sa zone de confort. Être capable d'être ouvert à la vibration, c'est d'être capable d'être disponible de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses habitudes, d'apporter des changements dans son existence aussi en relation avec ça. Et fondamentalement, l'instruction supramentale, eh bien, n'importe quel être humain sur Terre peut y avoir accès. D'ailleurs, c'est un savoir qui est au sein de chaque individu. Mais pour y accéder, il faut se dépolluer psychiquement. Il faut être capable de sortir de la réflexion. Il faut être capable de sortir du désir de l'ego de contrôler, de l'orgueil. Il faut qu'il y ait un travail qui est fait au sein de l'ego pour être transparent. Puis pour que le travail s'actualise et s'articule dans le temps, ben il faut que la personne soit mise en vibration par l'esprit pour l'effectuer. Donc, voilà l'essence du propos. Merci de votre écoute et au revoir.